le moi, comme un secret bien gardé, dis-le moi, sur un baiser. De peur d'oublier, dis-le moi, si ton cœur le demande, oui, dis-le moi, mais jamais sur commande. Cinquante fois par jour, oui, dis-le-moi, mais sans faire de détour. Dis-le-moi, oui, dis-le-moi, mais dis-le-moi, car tu sais, ça me rassure. Sans faire de détour.